Malgré toute ma confiance, je ne ressens que ton absence. Vie chargée d'incohérence, je ne sais plus à quoi je pense. Et l'esprit tourmenté, je ne sais où aller. La la la la. Et me fais grâce de ta présence. Quoi qu'il arrive, seul sur la route, toi tu es à l'écoute. Tu me combles de confiance et me fais grâce de ta présence. La la la la. Chemin, pas après pas, tu marches avec moi.